Mesdames, vous êtes fascinés par vos héros de séries préférées? Vous aimeriez être protégé par Jon Snow, vous faire soigner par Gregory House, passer une nuit torride avec Hank Moody ou encore être la première dame d'un Frank Underwood? Madame, ne vous bercez pas d'illusions. Ces hommes sont des personnages de fiction et ne correspondent pas à la réalité. Contentez-vous donc de ce que vous avez. Oui, vous avez pas vu ce que je me tape à la maison. Eh, dis donc, Minouche, il n'y a plus de papier. Désolé, c'était un message de la prévention psychologique. Ça va pas la tête.